À Ulaanbaatar, il y a eu le premier Coran, le rendez-vous de souvenirs consacré au 60e anniversaire de l'historique visite du président Kim Il-sung en Mongolie. Y ont pris part les personnalités de l'association de Kim Jong-il, du fonds Jusamb pour le développement des nomades, de l'association Bektusan pour le développement indépendant et du centre d'études du Jutsi et les habitants. Les orateurs ont qualifié le président Kim Il-sung de leader qui a mené une vie modeste et donné aux gens du monde seulement le bonheur et souligné qu'il faut s'efforcer énergiquement pour développer les relations d'amitié entre les deux pays.